L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Ho ho ho. Bonsoir à tous, mes petits loups. Noël est passé depuis quelques jours, mais vous en êtes encore à la digestion de vos agapes du week-end. Eh bien, dites-vous bien que c'est pas parce que c'est la trêve des confiseurs qu'on va se passer de notre playlist Rock et New Wave sur Osmose Radio. Vous êtes bien dans l'heure du loup, chers amis, avec Stéphane pour une heure de musique. Je vous ai fait une petite playlist de saison et ça commence comme ça. Tu perds l'orage. Christmas, darling, it's a gift from me to you. sleigh. I'll spring to hell laughing all the way. I've been too naughty and forgot to be nice. I guess the violence is my vice. So take a listen, I check it twice. I'm a dead motherfucker all mine. And I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. I'll be buried by Christmas. Town, your town, my town. Oh, what a town! Jolly, he's off his head. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Do you want my Père Noël? Do you want my Père? Do you want my Père Noël? Do you want my Père? Yeah, we want your Père Noël. My ass. Merry Christmas. Merry kiss my ass. Merry Christmas. Merry kiss my ass. Hola Belle Pin. Hola Belle Pin. Hola Belle Pin. Hola Belle Pin. I love your sapin. I love your balls. I love your sapin. I love your balls. Oh yeah. Noël, Noël, Noël. Lui oui. La parole au directeur du centre commercial d'Atlanta. Qui dit crèche dit Noël, et qui dit Noël dit très gros bénéfice. Pas besoin d'être une lumière pour le savoir. Est-ce que tu crois qu'on peut rendre les jours de fête encore plus vulgaires? J'espère bien. Quoi? Ben oui, plus on les avilit et moins on a de raisons de les célébrer. Ça veut dire moins de raisons pour ma famille de se réunir jusqu'à ce qu'un bon jour je me retrouve enfin seule pour Noël qu'avec un plateau télé. Parfois, je me demande si tu n'es pas trop cynique, même pour moi. Oh vraiment, tu crois? Non. J'essayais seulement d'être sarcastique. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Some families are messed up while others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. Rap box full of shit. He likes to pelt carolers with icy snowballs. I'd like to take him out back and deck more than the halls. With family like this, I would have to confess I'd be better off lonely, distraught and depressed. The season's upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. They call this Christmas where I'm from. My mom likes to cook, push our buttons and prod. My brother just brought home another big broad. The eyes roll and whispers come loud. Vous êtes un peu triste parce que le Père Noël, il est mort? Oui. Bon, je vais vous chanter une petite chanson pour vous consoler. De tous les barbus qui traînent autour des maternelles, notre préféré à tous, c'était le Père Noël. Maintenant qu'il est parti à jamais vers l'au-delà, y aura plus qu'Émile Louis pour nous donner des tagadas. Je sais que Papa Noël est irremplaçable, je vais juste essayer de rendre sa petite mort plus supportable. C'est moi le tapin de Noël. C'est moi, c'est moi, c'est moi le tapin de Noël. Pas grand chose à vous offrir à part moi-même, mais quel plus beau cadeau en hiver qu'un peu de chaleur humaine. Je ne vous apporterai pas de bonbons, non, non, mais je vous offrirai vos plus belles démangeaisons. Je vais vous offrir un cadeau qui n'a pas de prix. Pour vos papas, c'est 50 €, alors profitez-en, c'est Noël, c'est gratuit. Je vais vous offrir un cadeau que vous n'oublierez pas. À chaque test VIH, vous penserez à moi. For democracy,

c'est bientôt Noël. Pensez-y, poupée Klaus Barbie. Thank you. sky without a sun. Voilà les amis, c'était ma playlist de Noël pour meubler cette soirée de la trêve des confiseurs sur Osmose Radio. Moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, soyez prudents sur les routes, faudrait pas que ça sente le sapin au sens propre comme au sens figuré, et je vous donne rendez-vous en 2017. Bisous, à bientôt. Jólakvöldin og kvöldurinn gæðist inn, stóð börnin spennt og rjóð með bakulinn Hennar för Eva.